Exercice 4, page 164. Ronron. Erreur. Arrière. Rare. Lila. Lola. Loyal. Lille. Laura. Alors. Élire. Lourd. Rouler. Relire. Oral. Rôle.